بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc nous continuons بإذن الله nos cours de fiqh basés sur le livre Manhaj al-Salikin, l'imam Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, qui est mort en... On n'a pas cité souvent celui-là. 14e siècle. 1376. Et nous y étions arrivés au chapitre concernant An-Najasat, les impuretés. Et on avait cité quelques impuretés. Et on va continuer, Inch'Allah ta'ala. On avait cité déjà, premièrement, parmi les impuretés, l'urine des êtres humains ainsi que leurs excréments. Également, on avait dit, on va citer un troisième, le sang, mais en grande quantité. Naam. Le sang en grande quantité. D'accord, on avait dit que le sang en petite quantité n'était pas considéré comme impur. Mais c'est le sang en grande quantité, et notamment le sang qu'on appelle dam, masfouh, celui qui sort lorsqu'on... Par exemple, lorsqu'on sacrifie la bête, c'est qu'il sort, qu'il gicle avec force. Tayyib. On avait expliqué ça en détail. Ensuite, il dit le shir, rahimahullah ta'ala, wa minan najasat bawlun, wa rawthu kulli hayawanin muharramun akluhu. Également, l'urine et les crottins de tous les animaux qu'il est haram de manger, qu'il est interdit de manger. بخلاف ما يؤكل لحمه هو الطاهر والدليل حديث أنس في الصحيحين اشرب من بولها. À l'opposé de quoi? À l'opposé des animaux dont il est permis de manger la viande. Leur urine et leur crottin sont purs. Et parmi les preuves de ceci, il y a quoi? Le hadith de Anas. Quand ces hommes sont venus à Médine, avec ils étaient malades. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sortez de la ville avec les chamelles ou les chameaux, et un gardien, un berger, un chamelier, celui qui garde les chameaux, et buvez l'urine. Bi'idnillah, vous serez guéri. Et donc, les ulama mentionnent que ceci est une preuve que quoi que l'urine des chameaux n'est pas impure. Parce qu'il n'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise de boire quelque chose qui est impur. Premièrement. Également, j'ouvre une parenthèse, parce que certaines personnes disent minas sunna, le fait de boire de l'urine de chameau, et ils vont boire l'urine de chameau alors qu'ils ne sont même pas malades. Non. Attention, le fait de boire l'urine des chameaux, premièrement, c'est quand tu es malade, et pour certaines maladies. C'est pas comme ça, je vais boire l'urine des chameaux, parce que dans la sunna, on mentionne de boire l'urine des chameaux, comme malheureusement font beaucoup de personnes. Également, il y a un autre hadith, il y a plusieurs hadiths qui nous mentionnent ceci, la pureté de l'urine et des crottins des animaux qu'on mange la viande. Par exemple, le hadith de Jabir ibn Samura. Lorsqu'il a dit, est-ce que je dois faire les ablutions lorsque je mange la viande de mouton? Il a dit, inshit, si tu veux, tu le fais, si tu veux, tu le fais pas. Il a dit, est-ce que je fais les ablutions lorsque je mange la viande de chameau? Il a dit, na'am. Oui, il a dit, fais les ablutions. Est-ce que je peux prier dans l'enclos des moutons? Il a dit, na'am, tu peux prier. N'est-ce pas que dans l'enclos des moutons, il y a l'urine, il y a l'excrément des moutons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas permis cela si c'était impur. D'accord? Et d'autres parmi les hadiths sur le sujet. Donc par exemple, l'urine ou le crottin de l'âne, al-himar, c'est pur ou c'est impur? Impur, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, il est haram de manger de l'âne. Donc ce crottin et ces urines sont impurs. D'accord? Et ainsi pour tous les animaux. D'accord? Ainsi est la règle mentionnée par le fuqaha. Ensuite il dit وَالسِّبَعْ كُلُّهَا نَجِسَةٌ Et les السِّبَعْ les félins, les prédateurs. Ceux qui ont les canines. Comme الأسد والنمير والكلب كذلك منهم comme le chien, le lion, le tigre, le panthère, etc. Tous ces prédateurs. Et également le chien fait partie de cela. Donc eux, ils sont également impurs. وكذلك الميتات لأن كل ميت نجس هذا هو الأصل للآية التي ذكرناها في الدرس الماضي قل لا أجد فيما أوحي إليها محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس الله سبحانه وتعالى mentionne dans le Coran et nous dit au sens approché et dit je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé une chose illicite dans la nourriture dont on se nourrit, excepté un meita, une bête trouvée morte. C'est-à-dire une bête qu'on trouve, elle est morte et on ne sait pas comment elle est morte. On ne sait pas comment elle a été tuée. Donc cette bête, elle est meita, on appelle ça en arabe. Et c'est-à-dire qu'elle est impure. On ne peut pas la manger. Et si elle nous touche, on doit se laver. D'accord ? Fahimtoum ? Il. Maintenant, le shir, il mentionne l'exception dans les bêtes ou dans les bêtes trouvées mortes ou dans les morts en général. D'accord ? Meitatul adami. Donc, tous les morts sont impurs. Tous les êtres vivants morts sont impurs, excepté quoi ? Les êtres humains morts. Et regardez, ma qala al-muslim. Bal qala al-adami. Mutlaqa. Ici, l'auteur, il n'a pas dit excepté le mort parmi les musulmans. Il a dit le mort parmi les êtres humains. Il nous englobe quoi ? Le musulman et le kafir. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن المؤمن لا ينجس. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le Bukhari ou Muslim, il a dit et certes le croyant n'est pas impur, n'est pas impur. حتى المشرك لأن إنسان لأنه إنسان كالمسلم. لكن الآية التي جاءت إنما المشرك النجس ليس المقصود النجاسة الحسية بل المقصود النجاسة المعنوية بسبب الشرك والكفر وكذلك والمعصية أو plutôt non, الشرك والكفر وكذلك لما مات أبو طالب قال صلى الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب اذهب فواله فذهب وهو ميت يعني أبوه ميت وواراه ودفنه مع المشركين ولو كان نجسا أمره بالغسل أو قال انتبه هو نجس. Et donc on dit, on a vu le texte que le croyant, il n'est pas impur. Le prophète a dit Inna al-mu'min la yanjis. Et même le mushrik, même le kafir, même l'associateur, pourquoi c'est un être humain, comme le musulman. Et c'est vrai qu'il y a un verset qui a été rapporté dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et certes, les associateurs sont impurs. Mais ici, le sens, ce n'est pas l'impureté au sens propre, mais c'est l'impureté au sens figuré, c'est-à-dire l'impureté due à quoi ? Au shirk, au kufr. C'est pour ça qu'on dit que les najis. C'est comme al-tahara. Al-tahara al-qismayn. Al-tahara al-ma'nawiyya والطهارة الحسية. ما معنى الطهارة؟ الطهارة المعنوية هو طهارة القلب من الشرك والكفر والمعصية وسوء الخلق. Il y a la purification au sens figuré et la purification au sens propre. La purification au sens figuré, c'est la purification du cœur. On purifie son cœur de quoi? On s'ouvre, on sort le cœur, on met du madar et on nettoie? Non. Mais plutôt, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie son cœur, on purifie son cœur du shirk, du kouf et des péchés et des mauvaises actions, etc. Fahimtoum? Taïm. Également, parmi les preuves que même le mouchrik, ou même le kafir, le mort, le cadavre, n'est pas impur, c'est le hadith de la mort de Abu Talib. Abu Talib, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, musulman ou mécréant? Mécréant. Il a dit à son fils était qui? Ali ibn Abi Talib. Il avait un autre fils très connu parmi les grands compagnons, qui était Abu Talib. Il avait un autre fils parmi les compagnons qui était très connu avec Ali, le frère de Ali. Ça vous dit rien? Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib. Al-Muhim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, va avec ton père, le cadavre de ton père, et enterre-le. Et enterre-le. Alors Ali radiallahu anhu est parti et a enterré son père avec les mouchriquins. D'accord? Ici, le shir, Cheikh Arafat, hafidhahullah ta'ala, il dit si le cadavre était impur, le cadavre du mouchrik ou du kaf, il était impur, il aurait prévenu Ali, attention, le cadavre est impur, quand tu as fini, il faut que tu te laves. Il faut que tu te purifies, il faut que tu plutôt enlèves l'impureté de toi. Il aurait clarifié, mais il lui a rien dit. Donc ceci nous prouve que quoi? Que même leur cadavre, il est pur. Donc c'est pour ça que ici le Cheikh Saadi, il met comme exception dans les êtres vivants morts qui ne sont pas impurs, les morts parmi les êtres humains. Et donc ça englobe les musulmans et les mouchriks. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatan. Ici, les êtres vivants qui n'ont pas de sang. Qui coule. Comme quoi? Al-Asharat. Elle est les insectes. Al-Asharat al-Saghira. Allati laysa laha dam. Mithlu al-Jarad. Yajouzu an na'kulaha. Afan. An na'kulahu. Li anna laysa lahu dam. Wa al-Zubab. Iza waqa'a fil ina. الدليل أن هذه العشرات ليست نجسة والأدلة كثيرة ومنها حديث الذباب وحديث الجراد. Également donc les insectes morts sont pas impurs, d'accord? Ces êtres vivants qui n'ont pas de sang qui coule. Si tu coupes un insecte, est-ce qu'il y a du sang qui gicle? Non, ils n'ont pas de sang. Comme la sauterelle, par exemple. La sauterelle, il est permis de la manger, comme on va le voir. Également, la mouche. N'est-ce pas que la mouche, si elle tombe dans ton verre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la retremper. Car le prophète a dit, dans une aile, il y a le poison, et dans l'autre aile, il y a le remède. Si c'était impur, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait dit de retremper la mouche dedans? Non. Donc, tout cela nous montre que quoi? Que les insectes, ceux qui n'ont pas de sang qui coule, ne sont pas impurs. وَالسَّمَكَ وَالْجَرَدِ. Et le shiri, il dit également, il finit dans les exceptions des bêtes mortes, السَّمَكَ, yani le poisson, et وَالْجَرَدِ, yani la sauterelle. قَدْ أَكَلَ النَّبِيِّ. Quand on dit السَّمَكَ, yani ça englobe tout ce qui vient de la mer. D'accord? Tout ce qui vient de la mer. قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم السمك عندما أتى به الصحابة كما في صحيح مسلم من حديث أبو عبيدة عامر ابن الجراح رحمه الله تعالى فوجدوا العنبر وهو أكبر أنواع السمك حتى مجموع من الصحابة كانوا يجلسون على عينه فأكلوا منه فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم سالوه ما كانوا يعرفون لانهم اكلوا للضروره ما وجدوا طعاما فقال صلى الله عليه وسلم هو رزق اخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون عفوا. Et donc, ce qui vient nous prouver cela, que la bête morte parmi les poissons, ou ce qui vient de la mer, ou de l'eau en général, n'est pas impur, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé un poisson qui était considéré comme une bête morte. En effet, comme il était rapporté par l'imam muslim dans son sahih, un hadith de Abu Ubaida. Abu Ubaida Ibn Jarrah, qui s'appelait Amir ibn Abdullah ibn Jarrah. Attention, Ibn Jarrah, c'est son grand-père. Il est affilié à Abu Ubaida, son grand-père. Mais son prénom, c'est Amir. Et son père s'appelait Abdullah. Amir ibn Abdullah ibn Jarrah. Radiallahu anhu, min al-mubashirin bil jannah. Parmi ceux qui ont été, à qui on a annoncé le paradis, les 10. Dans un seul et même hadith. Il rapporte que les musulmans, certains musulmans étaient sur la côte, la côte de la mer Rouge. Vous voyez l'Arabie, à l'ouest de Médine, il y a la mer Rouge, à peu près 2 heures en voiture. Les musulmans sont partis sur la côte et ils ont trouvé Al-Anbar. Al-Anbar, c'est le poisson le plus grand qui existe dans la mer. Allahu a'lam, en français, il l'appelle le cachalot. Allahu a'lam, le cachalot, comment ils vont le traduire en français, mais c'est un poisson qui est énorme. Comme une baleine, ou plus gros qu'une baleine. Malgré le fait, attention, c'est vrai qu'en français, ils disent que la baleine n'est pas considérée comme un poisson, elle est considérée comme un mammifère. Et là, on rentre dans la science naturelle. Al-Muhim, ici ce qui est voulu, c'est l'anbar, c'est le plus grand catégorie de poisson, ou de plutôt de ce qui vit dans la mer. D'accord ? Allahu alayhi, ils le traduisent par le cachalot. Tellement qu'il était grand, des sahaba pouvaient se tenir debout dans son orbite, dans l'orbite de l'œil du poisson. Imaginez-vous. Ils tenaient debout dans l'orbite, là où se trouve l'œil du poisson. Et les musulmans, ils en ont mangé. Ils ont mangé de cette bête alors qu'ils l'ont trouvée morte. Et ils en ont pris avec eux, ils ont été à Médine. Quand ils étaient à Médine, ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cette bête. Eux, ils l'ont mangé, ils ne savaient pas si c'était halal. Mais ils l'ont mangé pourquoi ? Lid-daroura. Ils avaient faim, ils n'avaient rien à manger. Donc ils l'ont mangé par nécessité. Fahimtoum. Alors ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jugement de cela. Alors il a dit, ceci est une subsistance qu'Allah Azzawajal a sorti pour vous de la mer. Est-ce qu'il vous en reste ? Est-ce que vous avez un peu de la chair de cette viande, de ce poisson, afin que vous nous nourrissez ? Ce qui prouve que quoi ? Que c'est pur. Que c'est pas impur. Tayyib. Wal-Jarad. Al-Jarad, il va citer le hadith après. La sauterelle, il va citer le hadith après, Inch'Allah. Fa-innaha tahira. Toutes ces exceptions qu'on a données, ils sont purs. Et tout le reste, parmi les morts, les êtres vivants trouvés morts, sont impurs. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, au sens approché, et vous a été rendu illicite, la bête trouvée morte et le sang. ودليل قال الشيخ ناشي عرفات حفظه الله دليل أيضا من السنة في صحيح البخاري حديث ميمونة رضي الله عنها مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه ميتة كان أعطاها مولى ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أنت أن تنفعتم انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. Et donc il y a ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari qui vient prouver aussi que la bête morte est impure. L'imam al-Bukhari rapporte le hadith de Maymouna. Maymouna, c'est qui ? La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé vers un mouton mort. Et ce mouton avait été donné à Maimouna par son maoula. Maoula, c'est l'esclave affranchi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous avez profité, ou vous tirez profit de sa peau, ni de la peau de la bête, hein. Vous savez, la peau, on la prend, on la tanne et on fait un tapis, on fait des habits, etc. Alors ils ont dit non, c'est une bête morte. Pour eux, on ne peut pas l'utiliser, c'est une bête morte, elle est impure. Le prophète a dit, ce qui est interdit, c'est le fait de le manger. Ce qui est interdit, c'est le fait de manger. Donc ce qui prouve qu'elle est impure. D'accord ? Non, elle est impure, parce qu'elle est interdite de manger. Si elle serait pure, on pourrait la manger. Hein ? C'est le fait de la manger. Non. Non, mais elle est trouvée morte, parce qu'elle est morte. L'animal, oui, l'animal, il est pur, pardon. Mais, comme elle a été trouvée morte, elle est impure. Et c'est pour ça qu'il est interdit de la manger. Taïeb, la question qu'on se pose, alors pourquoi le prophète a dit, est-ce que vous l'avez utilisé sa peau, si c'est impur ? Des vêtements, mais donc c'est, on peut utiliser les impuretés pour faire des vêtements. Non. C'est parce que là, c'est un autre mas'ala. Il n'a pas mentionné le shir ici, mais c'est une autre mas'ala. Un autre sujet, c'est quoi? C'est la bête impure, ou la bête trouvée morte qui est impure. Si on tanne sa peau, alors elle devient pure. La peau devient pure. Il y a un hadith sur ce sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que le fait de tanner la peau, hein, il y a un processus à faire pour tanner la peau, ça rend pure la peau. Vous comprenez? Mais ici, le shir l'a pas mentionné. Mais ça, c'est pour que vous compreniez bien le hadith. Fahimtoum? Tayyib. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. C'est le hadith qu'on a cité tout à l'heure. Là, vous comprenez que l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, il mentionne les preuves de ce qu'il vient de dire auparavant. Et là, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant, hein, n'est pas impur, vivant comme mort. Hein, comme l'a rapporté ici, Ad-Darqutni wa al-Hakim. Na'am. وقال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والتحال رواه أحمد وابن ماجه والحديث صححه الإمام الألباني رحمهم الله أجمعين. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également Uhilla, il nous a été permis. Meitatan, hein? Les deux morts. Wadaman, et les deux sangs. Donc, les morts, on a dit qu'ils sont impurs à la base. Mais là, le prophète donne une exception, deux morts. C'est quoi les deux morts? Al-Hut ou Al-Jarad. Al-Hut, c'est les poissons. Et Al-Jarad, les sauterelles. Donc ça, c'est une preuve que quoi, que la sauterelle, hein, il est possible de la manger. D'accord ? Allez, si tu trouves une sauterelle morte, c'est pas impur, tu peux la manger. Et les deux sangs, le sang à la base, il est impur, on l'a vu, hein, auparavant. Mais il y a deux choses composées de sang qui est permis. C'est quoi ? Al-kabid, le foie, ou al-tihal. Tihal, c'est quoi ? La rate. Hein, la rate, ce sont deux organes, hein, qui se trouvent, hein, dans le ventre ou dans l'âme. Et qu'il est permis de manger, malgré le fait qu'ils sont composés de sang. Le foie, il sert à quoi le foie dans le corps ? À purifier le sang. À filtrer, à purifier le sang. La rate, elle a aussi à peu près la fonction similaire. Hein ? Donc, ils sont composés de sang, malgré ceci, elles sont permises, c'est une exception, hein, dans le fait de les manger. Bien sûr, on ne parle pas d'ici du foie et de la rate des êtres humains. Hein. On parle des animaux qu'il est permis de manger. Attention. Hein? Le sang, est-ce qu'on a le droit de manger le sang des animaux? Non. Non. c'est impur. Tayyib. Hein? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme exception ici le foie et la rate. وأما أرواث الحيوانات المأكولة المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة. Et quant au crottin des animaux ainsi qu'à l'urine de ceux qu'on peut manger, alors ils sont purs. Les crottins et l'urine des chameaux, des vaches, des moutons, des chèvres, et tous les animaux qu'on peut manger, ils sont purs. On a vu les hadiths. On a vu les hadiths hein, à ce sujet ou qui prouvaient hein, la permissibilité ou la pureté hein, de cela. وَمَنِ الْآدَمِ طَاهِرٌ. Et il dit aussi ici le sperme des êtres humains est pur. On avait parlé en détail dans l'explication de Risala si vous vous rappelez. Hein, ici nous dit le shir Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ومعروف أن الإنسان خلق من هذه النطقة نطفة عفواً فلا يقال أن نجسة وقد خلق الإنسان من النجاسات فلا خلق الإنسان من النجاسة. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran et nous avons certes honoré les êtres humains. Et ce qui est connu, c'est que l'être humain est créé à partir de quoi ? À partir de ce liquide, le sperme. Hein? Et on ne peut pas dire, il est impossible que l'être humain qui a été honoré par Allah soit créé à partir d'une impureté. هذه النطفة التي تخرج من الرجل وكذلك من ترائب المرأة هذا طاهر وهذا يؤكد أن الله كرم بني آدم لكن هذه المسألة خلافية. Et donc ce liquide qui sort de l'homme, mais également qui sort aussi de la femme. Hein, c'est la rencontre des deux mani. Il y a le mani de l'homme et le mani de la femme. Donc ces deux liquides qui sortent de l'homme et de la femme sont purs. Et Allah Azza wa Jal a honoré donc les êtres humains. Donc il n'est pas possible qu'ils soient créés à partir d'une impureté. Et comme on l'avait cité dans nos cours précédents, ça c'est un sujet où il y a un khilaf, il y a une divergence entre les savants. مذهب الحنابلة والشافعية يقولون أن المني طاهر وهو الصواب ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه نجس والدليل أنه طاهر حديث عائشة لما كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان نجسا لعلمها النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك وما أخبرها وما علمها وما أمرها إنما كانت تفعل ذلك نحكم أنه إزالة لهذا الأمر وإزالة لهذا الأمر كالمخاط والبصاق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المني كالمخاط والبصاق والإنسان يزيل من ثوبه لأنه لا يحب هذه الأشياء لا لأنها نجسة. Et donc le madhhab de Hanabila, ceux qui suivent l'imam Ahmed et ceux qui suivent l'imam Shafi'i, eux voient qu'il est pur, au contraire du madhhab de Abu Hanifa et de l'imam Malik qui voient que c'est impur. Et la preuve qui nous prouve que c'est pur en plus de ce qu'on a cité, c'est le hadith de Aïcha, lorsqu'elle dit qu'elle grattait le sperme sur les habits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il aille à la prière. S'il était impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait appris à le laver, à le nettoyer et à l'enlever avec de l'eau, par exemple. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas informé, ne lui a pas appris, ne lui a pas ordonné de nettoyer. Donc si c'était impur, il l'aurait fait forcément. Mais elle l'a enlevé pourquoi ? Elle l'a enlevé comme on enlève par exemple la morve du nez qui tombe sur les habits, ou les glaires qu'il y a dans la bouche qui tombent sur les habits, c'est des choses qui sont impures, qui sont pures, pardon. Malgré ceci, on n'aime pas avoir ça sous nos vêtements. Hein? Ça reste quelque chose qui est sale. Donc on l'enlève. Pareil pour le mani. Et ça, c'est la parole de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il a dit, le mani, le sperme, est comme la morve et les glaires, hein, la personne les enlève sur ses habits, car il n'aime pas que ces choses soient sur ses habits. Mais pas parce que c'est impur. Fahimtoum? Et il cite ici le shir une preuve. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. Le prophète صلى الله عليه وسلم, concernant le mani, le sperme, hein, il lavait celui qui était le sperme qui était encore frais, yani mouillé sur ses habits, et s'il avait séché, il le grattait. D'accord? Si c'était mouillé, yani c'était relativement voilà, pas encore sec. Il le lavait avec de l'eau, et si ça avait séché sur son habit, il le frottait, simplement. يعني يتخلص منه بهذه الطريقة إذا كان رطبا غسله وإذا كان يابسا فركه هذا لا لأنه نجس ولكن كإزالة أي شيء كالبساق والمحاط. Il dit, Al-Mukhat, il dit, ça c'était la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, pour enlever le mani. S'il était mouillé, il l'enlevait avec de l'eau, il le lavait. S'il était sec, il le frottait tout simplement. Pas parce qu'il était impur, mais parce que comme on fait pour enlever toute chose, hein, qui est relativement sale, hein, comme la morve et les glaires, etc. Fahimtoum? وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. Et maintenant il mentionne aussi, hein, on en avait parlé au tout début du cours la semaine dernière, l'urine du bébé garçon, hein, celui qui ne mange pas encore de la nourriture, d'accord? Alors lui, l'urine suffit de quoi? D'asperger d'eau, c'est tout. Il suffit qu'on l'asperge d'eau, de pas forcément le laver, comme l'urine de l'être humain, ou de l'adulte, ou de l'enfant, hein, qui mange de la nourriture, ou même l'urine de la petite fille. Là, c'est bien spécifié, le petit garçon qui ne mange pas, hein, de nourriture. C'est-à-dire qu'il mange quoi? Le lait de sa maman. Il mange le lait de sa maman seulement. Entre 0 et 1 an à peu près, hein, une fois il y a des enfants même avant 1 an, ils mangent de la vraie nourriture. Du moment qu'il mange la nourriture, hein, il sort de ce jugement. Là, on parle des enfants qui est seulement allaité. Hein. Khila, naam. Donc ici, pour cet enfant, ou pour ce bébé, son urine, on n'a pas besoin de le nettoyer avec de l'eau. Yani, de frotter, etc., comme on fait avec l'urine normale. Il suffit de quoi? D'asperger avec de l'eau. On prend de l'eau, et ça suffit. Fahimtoum? Hada hadith. L'auteur rapporte le hadith. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي وصححه الإمام الألباني. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, hein, l'urine de la petite fille, on doit la laver, alors que l'urine du petit garçon, il suffit de l'asperger d'eau. Vous comprenez la différence entre laver et asperger, hein? Asperger, on fait comme ça. Ça suffit. Laver, on doit mettre de l'eau et frotter, d'accord? وهذه من الأحكام التي فرق فيه الشارع بين الذكر والأنثى. والأحكام كثيرة كالعقيقة وكذلك في العتق. والأصل في الأحكام أنها للرجل والمرأة. إلا ما جاء الدليل يفرق الشرع. قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. يعني في الأحكام. Et donc ça fait partie des sujets. Ça fait partie des sujets où il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les jugements, hein, la base dans les jugements, c'est que les hommes et les femmes sont même, ils ont le même jugement. tout ce qui vient dans le Coran wa Sunna, hein, parmi les jugements, hein, ça vaut pour les hommes et les femmes, excepté s'il y a un texte qui vient faire la différence entre l'homme et la femme, comme ce texte ici, ou comme aussi l'aqiqa. C'est quoi l'aqiqa? Ici vous l'appelez le baptême, hein. Quand c'est le baptême, le jeune garçon, on doit égorger combien de deux moutons, et la jeune fille une. Donc il y a une différence, parce qu'il y a un dalil, il y a une preuve, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet. Fahimtoum? Donc la base, hein, la base, c'est que l'homme et la femme sont égaux dans les jugements, d'accord, excepté s'il y a un dalil ou une preuve qui vient mentionner la différence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les femmes sont les sœurs des hommes, dans le sens, dans les jugements. Dans les jugements, elles ont les mêmes jugements que les hommes. Fahimtoum, excepté bien sûr, comme on a dit, s'il y a un texte qui vient contredire cela. Wadih? وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَ تَهُرَتْ وَلَمْ يَدُرَّ بَقَاءُ اللَّوْنَ الرِّيحِ. Et donc si, hein, si le gros de l'impureté, si la base de l'impureté a été enlevée, alors la chose a été purifiée. Et le fait qu'il reste peut-être une couleur ou une odeur ne vient pas, hein, ne vient pas annuler cette pureté. Vous comprenez ? إذا زالت عين النجاسة ولكن بقي أثر يسير كاللون لا يضر لأن عين النجاسة قد أزيلت حتى بقي شيء من الريح أيضا لا يضر يستحب تبعد رائحة والتباعد أثار لكن في الحقيقة الحكم الشرعي لا يضر لأن المقصود إزالة عين النجاسة. Donc, si la base, hein, le gros de l'impureté a été enlevé, et même s'il reste des petites traces, hein, comme une couleur par exemple, une petite couleur, ceci ne vient pas, hein, ne vient pas annuler, ou ne vient pas annuler l'impureté, la pureté de la chose. Ça n'affecte pas la pureté de la chose, d'accord, qui a été nettoyée. Hein. Même s'il reste par exemple une petite odeur, hein, ceci ne vient pas, hein, affecter la pureté de la chose qui a été nettoyée. C'est vrai qu'il est préférable, hein, que toute l'odeur et toute trace soit enlevée. Cependant, hein, concernant le jugement légiféré, le jugement religieux, hein, ceci ne vient pas affecter. Parce que le but, c'est quoi? C'est le fait d'enlever le gros ou la base de l'impureté. Fahimtoum? Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, il mentionne la preuve. Hein, li khawla binti yasar fi dam al hayd yakfiki al ma wa la yadurruki atharuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Khawla bint Yasar, qui était une sahabiya, hein, concernant le sang des règles, sang des règles, c'est pur ou impur? Impur. Il a dit, il te suffit d'utiliser l'eau et les traces qui restent n'affectent pas la pureté. Donc ça, c'est une preuve, hein, que même s'il reste des petites traces, hein, tant que le gros de l'impureté a été enlevé, alhamdulillah, hein, la chose est devenue pure. Fahimtoum? Et ce hadith, hein, est rapporté par l'imam Abu Daoud ou Ahmed, hein, et authentifié par Sheikh Al-Albani. Fahimtoum? Et avec ça, Sheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, termine le chapitre concernant, hein, les impuretés. Et commence avec Babu Sifatil Wudu, hein, le chapitre concernant les caractéristiques, hein, ou la description de Al-Wudu. Et on commencera la semaine prochaine, bi-idhnillah. Fajazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.